Si ce soir je trouve la mort, qui va pleurer sur mon sort? Je dois mettre bien les miens d'abord. Vise le diamant, le platine et l'or. Micro chargé, je vais faire feu. S'ils le font bien, je dois le faire mieux. Donne-moi un, je vais faire deux. Je peux pas me contenter de faire peu. Je dois faire fort, quitte à me faire mal. Y'aura pas de trêve hivernale. Je dois faire front, je dois faire face. Que je performe, que je me surpasse. Peur de personne, peur que de Dieu. Je les prends tous à la queue leu leu. Bats les couilles, je fais ce que je veux. Je traîne le game par les cheveux, c'est gang. Ma soupie fume un peu de beuh. Nul n'a fait mieux depuis si Dieu veut. Marseille City baby. Noir est le portrait, noir est la panthère. J'suis putain de Rastafari. J'ai rappé tant de peine, Marseille en tempête. Mais le flow reste à Paris. Flow d'hélicoptère, rien que tu coopères. Tu connais même pas le tarif. J'suis le meilleur bordel, mon couplet mortel. Alors faites pas crari. Même après ma mort que tous les quartiers nord se souviennent de mes codes, me connaissent de nom. Parfois je suis fun et gros quand je suis drunk. Je m'ambiance sur la fin comme Rebeu de Lyon. La fierté des rampes à baraque à la campagne. Le sexe et le champagne au Sheraton. On vient pour le pillage. Pour toucher le milliard et danser le milliard à Kenaton. Trop de talent qu'on aiguise. Fuck une balance mon aiguise. Silencieux comme une église. Je vois leurs yeux quand ils me négligent. J'ai peur du vide du monde, de vite démons précoces à la vingtaine. Jeune, je traînais déjà avec mes vieux démons primes. Mon cœur n'est pas comme un autre. J'ai peur mais pas comme un autre. Mon peuple n'est pas comme un autre. Faut pas me tenter. Mon cœur n'est pas comme un autre. J'ai peur mais pas comme un autre. Mon peuple n'est pas comme un autre. Fuck le monde entier. Et on se bat en silence, le vécu c'est du physique, obligé de prendre des risques. Paris, Marseille, un movie, les anciens ont déjà tout dit. Je suis le drapeau de ma ville. Jure pas sur la vie de ta mère, le G ne te donne pas l'air. Ça dit quoi depuis wesh alors, ça fait des platines en un quart d'heure. Jure pas sur la vie de ta mère, le G ne te donne pas l'heure. Ça dit quoi depuis wesh alors, ça fait des platines en un quart d'heure. Non, ne fais pas le show, je vais te sortir le bloc. J'ai pété le diamant, mais je suis toujours dans le bloc. Au bord du fait car j'ai toujours pas de pote. Allez, je mets dans le rétro, j'ai toujours pas le code. Ça fait vrom vrom vrom. Ramène ton équipe, je la ken. Je suis le gros le plus rapide du game. Gros, pourquoi tu gueules? Si tu manques de respect, je dégaine. C'est l'intelligence du gun. J'ai vendu les plaquettes, la BA en barquette. Gros, j'écoute la maquette posée dans un pack M. Tu connais Clark Kent, allant vers la casquette comme le poteau Black M. Un câlin d'entem, rentre pas dans le cartel, dis bonjour au capitaine. C'est le son du terre-terre, frérot, tout le monde à terre, c'est le chant des Quetel. Personne ira au paradis en jet privé, la fin c'est belle et bien celle qu'il décrivait. On te regarde couler quand tu vas dériver, 2-3 absents et ça va juste débriefer. L'homme est mauvais, pense bien violet, comme dirait Trésor, danse de la violence. Revers de la médaille au plus insolent, mal accompagné, je préfère marcher solo. Ah la compte arrache, moi j'attends juste mon chèque qu'on s'arrache, qu'on aille au double gré et la sauce s'arrache. Pas les reins d'être le boss de Paris, Paris, Marseille comme au rien, des aides, cœur brisé quand t'as refrais, des aides. Triste comme la mélo, mais c'est Dieu qui décide. Et je risque ma vie depuis que je suis dans la musique. Et on se barre en silence, le vécu c'est du physique, obligé de prendre des risques. Paris, Marseille, un movie, les anciens ont déjà tout dit. Je suis le drapeau de ma ville. Jure pas sur la vie de ta mère, le J ne te donne pas l'air. Ça dit quoi depuis wesh alors, ça fait des platines en un quart d'heure. Jure pas sur la vie de ta mère, le J ne te donne pas l'heure. Ça dit quoi depuis wesh alors, ça fait des platines en un quart d'heure. Attendu comme l'horaire d'un fixe, mais détesté comme l'appel du fisc. Demain on fera pénitence, danse de la pluie au son du clic. Je viens de là où les barbares sont en Fendi. Couche meuf quand la zone devient friendly. Dans le bec un perso, TDM c'est le berceau. Petit kit dans le berco. Chicken chica comme métro. Big up des pommettes à frère. Pour semer le terre. La rue on la saigne comme bande de la thèse. C'est parce que l'on sait, on se la met sans la texte. Comment faire dur de s'en sortir quand les frères de ma rue ne peuvent pas sentir. Milliers d'euros mais par centaines. J'ai jamais fait le roro mais pèse dans le game c'est mort. Plus de fondis de forme, tu pètes la forme quand ta gueule nous déforme. Je veux des coffres forts pour que le soleil m'endorme. Un 300 chaud, fierté des aides, c'est Dieu qui donne, qui nous préserve. Les muchachos sont tous des terres, besoin de love, c'est nécessaire. Dehors, ça rafale, c'est danger, c'est mortel. Mettre à l'abri la fafa, mes premiers supporters. Pour eux, je porte le brassard, que le très haut les protège. Ici bas, on est de passage, donc profite, fais bordel. On est dans le vrai, fini de rêver, blindé ou pas, faut qu'on savoure. Triomphé, Kabenueve, merci la zone et force à vous. Et on se barre en silence, le vécu c'est du physique, obligé de prendre des risques.